vraiment pas une science assez confuse en même temps, mais je vais quand même essayer de remettre ensemble les fils de la dernière fois. Et ce que j'ai raconté sur les borderlines, sur Kittlash, sur Kernberg, etc., et sur la question du moi narcissique, de ces transformations éventuelles qu'on trouverait comme ça dans les sociétés contemporaines qui feraient apparaître des personnalités narcissiques, des choses comme ça. Et la première chose que je voudrais reprendre, c'est ce que j'ai raconté sur la question de l'adolescence. De l'adolescence et de la jeunesse, considérés comme des problèmes qui intéressent directement la pratique de l'analyse, mais aussi ces distinctions que j'ai faites ailleurs sur les différentes formes d'autonomie. Je pense que l'âge d'or de l'adolescence, c'est cette constellation particulière que j'appelle l'autonomie-aspiration, puisque c'est vraiment à ce moment-là que l'adolescence devient le lieu de constitution de l'identité personnelle et du destin, hein, du nouage du destin. Et ça figure dans la langue, ça figure caractéristique dans la langue. Je vais insister sur ce point, c'est le Bildungsroman, le roman de formation, dont le type littéraire fondateur, c'est des années c'est le Wilhelmmeister de Goethe, la première partie du Wilhelmmeister de Goethe, et dont le type philosophique achevé, c'est la phénoménologie de l'esprit, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis, disons, au moment de la constitution de ce qu'on appelle la modernité, à l'époque de Manet, de Baudelaire, de Flaubert, etc., de la modernité en un sens, justement, très défait de sa relation au romantisme, c'est l'éducation sentimentale, hein, qui, je crois, par son titre même, indique extrêmement bien la nature de ce qui se fait écho comme ça à la problématique du Bildungsroman. Et qui est, alors le Bildungsroman, c'est toujours une chose, c'est pour ça que je mets des choses en réserve, et je pense que les fils se noueront plus loin, peut-être dans une heure, mais je l'indique déjà maintenant, c'est la question du devenir artiste. Pourquoi devenir artiste? Et alors, c'est très généralement devenir poète. C'est poète englobant, évidemment, le théâtre. Le roman n'a pas nécessairement l'autorité qu'il a acquis dans la modernité au début du 19e siècle. Il en a eu une certaine, hein, mais le théâtre et la poésie sont des choses absolument fondamentales. Et j'avais souligné ce point, la façon dont est traitée l'expérience de l'adolescence, c'est-à-dire le moment où, pour causer lacanien, le signifiant phallique apparaît dans son arbitraire. C'est ça, dans cette dimension, je crois, de pourquoi c'est papa qui dit ça, de pourquoi je suis plutôt un homme qu'une femme, de ce questionnement-là, de pourquoi la jouissance devrait avoir une limite, hein, qui se produit de mille et une manières et qui émerge dans le langage sous la forme d'un pourquoi, et où le langage devient, c'est même ça qui caractérise le ton remarquablement insolent de l'adolescent, le langage donne des ressources pour interroger sa prétendue, raconte les gens, indexation phallique. C'est-à-dire que la question qui se pose et que le Bildungsroman fait monter sous forme de cristallise sous forme d'une œuvre, un type d'œuvre d'art qui va avoir une audience et une force absolument comparable au motif de la tragédie à l'âge classique. Il y a plus d'un millier de tragédies écrites en français, même si on n'en joue que quelques-unes, il faut bien se rendre compte, il y a plus d'un millier de tragédies qui ont été écrites entre les Juifs de Rotrou et les dernières pièces de Voltaire, qui est quand même un tragédien important. Il a écrit quasiment 80 tragédies en 5 actes et en vers, hein, dans sa vie. Donc c'était encore des formes extrêmement vivantes avant la Révolution française. De la même manière, le Bildungsroman semble correspondre à des années de voyage. Je ne sais pas si c'est des années de voyage, je me rappelle. C'est d'apprentissage. Vous voyez, c'est la deuxième partie. Des années d'apprentissage de Wilhelmmeister, de Goethe, jusqu'à finalement, je ne sais pas, des romans comme d'Hermann Hesse, des choses comme ça, comme Le Loup des Steppes, par exemple, c'est les années 20 du 19e siècle, 20e siècle, 20e siècle, une sorte d'énormité comme ça, de production gigantesque, une forme comme ça. On ne peut pas considérer que ce n'est pas un fait, à la limite, si j'ose dire, linguistique, quoi, l'existence de, d'une constructuration particulière de tragédie, de tragédie de vie. Alors, c'est la question du père qui est posée à travers la question du maître. Du père-maître, n'est-ce pas, si je jouais sur les mots, n'est-ce pas, qui, la question du Bildungsroman, c'est qui est pour chacun en position de père-maître. Alors, c'est là où il faut contextualiser socialement le sens des grands repères qu'on peut trouver comme ça chez Lacan, par exemple. L'articulation de phi à grand I de A. C'est qu'il y a deux manières de repérer la façon dont on devient susceptible de poser des actes en tant que sujet, ce qui est, si j'ose dire, la forme abstraite sous laquelle, n'est-ce pas, se termine l'adolescence, dans la capacité à assumer l'amour, à devenir créatif, etc., à devenir artiste, à trouver l'amour et à devenir l'artiste. Et en même temps, toujours à retourner, reprendre quelque chose du père, hein, dans le roman de formation, y compris, n'est-ce pas, dans les dernières phrases de l'éducation sentimentale, qui consiste à se retrouver au bordel et à dire, à évoquer, n'est-ce pas, à rappeler le moment où on s'est retrouvé au bordel, à dire c'est ce que nous avons eu de meilleur, n'est-ce pas, qui est quand même un point d'amertume absolument atroce sur lequel se termine l'éducation sentimentale. Il y a cette dimension du retour au foyer qu'on a quitté pour les années de formation. Simplement, je dirais que dans ce grand truc qui est essentiel à l'autonomie aspiration et qui va la mettre en péril, si je la prends sous l'angle du roman de formation, soit le père est une instance transcendante. Et devenir artiste, par exemple, c'est, au fond, classiquement, par référence à des modèles. Bon. Être l'homère de sa génération. Lessing aspire à être l'homme, même des gens totalement oubliés. Et d'ailleurs, fort intéressant, comme Kolpstock, par exemple, si vous en lisez des fois. Tous ces gens-là, ils aspirent à être Homère, à être des Aristotes pour leur temps. Il y a des figures comme ça. Et en même temps, même à l'époque du romantisme, il est très difficile de mettre en sécurité l'idéal dans une position transcendante. En particulier quand la question qui se pose est la question de la créativité individuelle, qui commence à travailler très très fortement l'époque à travers les motifs romantiques. Et donc, il n'y a pas simplement la figure du père, il y a la figure de ce que je pourrais appeler l'aîné. De l'aîné qui n'est pas aussi transcendant que le père, si j'ose dire, qui est le frère aîné, qui est un maître suffisamment proche pour qu'on puisse l'aborder. Regardez par exemple comment les gens approchent Goethe dans les témoignages qu'on a à la fois c'est un dieu vivant. Absolument un dieu vivant. Ça peut être l'aboutissement de toute une vie de poète que d'être invité à prendre le café à Weimar à côté de Goethe. C'est quand même des phénomènes sociaux d'une intensité qui est étrange pour nous, mais qui indique bien ce qui pouvait se jouer là-dedans. Et en même temps, c'est celui qui, et je reprends là une formule d'un livre dont je parlais tout à l'heure, de Vincent Descombes, qui s'appelle Proust, philosophie du roman, c'est quelqu'un qui a fait rêver toute une génération, parce que ce à quoi il arrive, c'est un accomplissement personnel absolument exceptionnel. Et quand je dis qu'il fait rêver toute une génération, c'est une formule très juste, je trouve, que trouve Vincent Descombes pour caractériser cette chose-là, c'est qu'effectivement, on se trouve tous comme des frères devant ce personnage qui fait rêver par le type d'accomplissement esthétique ou intellectuel auquel il est arrivé, qui fait rêver une génération. Les gens se disent. Et c'est pour ça que ce n'est pas si éloigné que ça d'une figure de père. Très sensible chez Goethe, quoi. C'est-à-dire, Il est à la fois dans une position de père, mais en même temps, il n'est pas si loin. Il est celui qui fait rêver une génération tout en étant un aîné, quelqu'un qui a défriché des voies. Je crois que cette tension est très importante pour apprécier des tensions internes à cette grande formation qui est la question, enfin la formation c'est le cas de le dire, qui est le roman de formation, cette formation de langage, de caractère, de façonnage de l'adolescence, etc. Parce que le romantisme à la fois fait du père-maître, hein, de celui qui, comme je dis, est en position de père-maître, hein, c'est celui qui va autoriser, qui va faire de vous un auteur, qui va reconnaître, qui va être à la fois quelqu'un du côté du père et à la fois quelqu'un du côté de l'aîné. Il y a là par exemple dans le romantisme, quelque chose de très clair. C'est que les anciens ne seront plus nos modèles. Ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les émuler, on va être l'Aristote ou le ce qui est clairement une ambition de Hegel, par exemple, être l'Aristote de son temps ou être le Homère de son temps. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va prendre un modèle et reproduire quoi que ce soit de ce qui est ancien. Je vous fais remarquer en passant que alors c'est pas quelque chose auquel les gens de votre âge sont très sensibles, et moi je l'ai vu comme ça, comme la queue de la comète, mais une des grandes astuces de Lacan a consisté à mettre à nu les ressorts de cette ambiguïté dans la transmission de la psychanalyse. Puisque quand vous regardez les premiers psychanalystes qui ont travaillé avec lui dans les années 50-60, il n'avait aucun doute qu'il le traitait comme un aîné. Hein, pour des gens comme Anzieux, pour les premiers analysants de Lacan, c'était un aîné. Très, très rapidement après, dès les années 70, et les gens qui ont été analysés par Lacan dans ces années-là, c'est tout à fait différent. C'est pas un aîné, c'est une sorte de père idéal. Ça, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait distinct. Parce que si vous avez un père idéal, alors on ne peut pas y toucher et on s'entretue entre frères. Tandis que si vous avez un aîné, alors, au fond, il a effectivement constitué une génération, hein, qui a fait rêver qui a accompagné le rêve impérialiste, expansionniste de la psychanalyse dans les années 60. Mais c'est le problème pour eux, c'est de tuer le père. Le problème pour cette première génération, c'est de tuer le père. Et pour eux, c'est pas du tout un problème de tuer le père, de tuer Lacan, de s'en séparer, de voilà. Bon. Et souvent, on néglige combien une des forces, les positions subjectif que Lacan a eu en réfléchissant à la transmission de la psychanalyse, c'est de jouer sur la question de la formation, hein, et de quel ordre vous, dans quelle case vous allez, sur quelle modalité vous allez poser celui qui est en position de permettre, hein, pour vous. Alors, je ferme cette parenthèse, mais je la crois extrêmement quand même. Voilà, c'est important pour tirer un trait, mais pour bien marquer l'espace dans lequel moi, je me sens pas du tout lié, par exemple. C'est pas du tout. Mais peut-être que d'autres le sont encore. Mais moi, ça me dérange pas trop. Il y a un jeu de mots avec permettre. Hein. Oui, c'est ce que j'essayais de. Mais enfin bon, vous savez, s'ils sont aussi calamiteux de ce claquant, peut-être que je peux peut-être m'abstenir. Alors, le point que je voudrais souligner maintenant, c'est que, rappelez-vous ce que je disais la dernière fois, pourquoi la question des borderlines pose un problème anthropologique ? Ce qu'a très bien vu Kit Lash en lisant Kernberg et qu'il a vu le premier et ensuite tout le reste, même encore aujourd'hui, 30 ans après, ce sont d'une certaine manière des sortes de ressucés des positions de Kit Lash. C'est parce que c'est la fin du paradigme dans lequel on pourrait dire, au fond, nous sommes tous plus ou moins névrosés. Voilà. Nous ne sommes pas tous plus ou moins névrosés. Ça ne constitue pas une communauté stable et ça ne donne pas un type même de l'humanité normale d'être plus ou moins névrosé. Autrement dit, ce qui arrive avec la question du borderline, c'est qu'on franchit un pas peut-être sur la question de l'expérience de l'arbitraire du signifiant phallique. C'est que cet arbitraire ne va pas être transitoire. Voilà. Il ne va pas être transitoire. Un borderline, c'est quelqu'un dont la crise d'adolescence serait non pas une transition, probablement nécessaire, on peut raconter tout ce qu'on veut là-dessus, voilà, bon, en tout cas dans les sociétés individualistes extrêmement claires, mais elle serait prise dans des coordonnées telles qu'elle n'en finirait pas et qu'elle constituerait en elle-même, au lieu d'être un état, et non une crise. C'est très intéressant de parler d'état limite plutôt que de crise limite, parce que si on parle de limite, ben, nécessairement, il y a une dimension de la crise et de la transition. Hein. Là, quand on parle d'état limite, c'est qu'on reste entre deux, hein, dans un entre deux qui devient quelque chose de tout à fait structurant. Ça a pour conséquence, ça c'était vachement bien vu par Kittlach, on ne peut pas lui contester comme du tout du point de vue finalement de la situation anthropologique de ce qui émerge à l'époque sous la plume de Kahnberg, de tous ces Américains dans le monde des années 80 aux États-Unis, hein, qui est aussi le monde American Psycho, enfin vous voyez, c'est de ce genre de littérature, hein, de cinéma. C'est que c'est aussi la fin de l'ordre freudien classique du normal et du pathologique. Et que la dernière fois, j'avais essayé de voir ce qui se passerait si on retournait la chose. C'est-à-dire si au lieu de le considérer comme un signe de déchéance, puisqu'évidemment, la première manière d'appréhender une transformation historique ou anthropologique, c'est sous le chapitre de la décadence. Et c'est très typique chez Kittlach qui a alimenté, je l'avais dit la dernière fois, je le rappelle, qui a alimenté toute la droite réactionnaire américaine qui est aujourd'hui au pouvoir en motifs fondamentaux de la politique républicaine, hein, sur l'idée qu'il n'y a plus d'individus, l'État s'occupe trop de nous, et qui a finalement assuré une sorte de synthèse entre des idéaux de l'ultra-gauche libertarienne, si vous voulez, de l'affirmation de l'individu comme, et puis de la haine de l'État et de l'apologie des marchés, par exemple. C'est vraiment autour de... C'était une récupération de droite conservatrice extrêmement forte, hein, de ces motifs-là. Et d'ailleurs, vous les trouvez également en France, une fois les transformations de contexte politique opérées, ce sont toujours dans des perspectives de haine de la jeunesse, il n'y a plus de société, il n'y a plus de travail... plus de psychanalyse, il n'y a plus de névrosé, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de sexualité normale, hein, les PD veulent se marier, enfin, vous voyez, cette espèce d'ambiance sinistre qui est une des figures de cette dénonciation, de ce sentiment de décadence. Alors, j'avais essayé de retourner la chose en essayant de dire qu'est-ce qui se passe si on prend à bras-le-corps le problème de penser l'expérience borderline et de... J'avais proposé des pistes en travaillant avec Bion sur ce qui pourrait nous retenir un peu de traiter finalement la pathologie borderline comme une expression déficitaire de la constitution du sujet. Bon. Et j'avais indiqué, j'avais employé une notion un peu farfelue d'amodiation. Mais je reviens un petit peu dessus pour dire ce que je veux dire par là, c'est que j'avais essayé d'indiquer qu'il existe d'autres manières d'articuler, non pas le normal et le pathologique, mais plutôt l'inconscient et le conscient, que par cette charnière phallique. Et la raison pour laquelle j'avais employé le terme d'amodiation, c'est que c'est un terme de droit qui désigne le fait que quelque chose qui est en soi inaliénable, un bord de mer, un sous-sol, etc., que personne ne peut totalement détenir, par exemple, le sous-sol, bon, sauf une entité abstraite qui détient tout, qui serait par exemple l'État, autorise l'exploitation partielle, temporaire, réversible de ce bien qui est inaliénable et qui est un bien qui, par définition, ne peut appartenir à personne. Par exemple, un mouillage dans un port, le régime juridique, quand vous louez un mouillage dans un port, c'est la modiation, parce que bien évidemment, le rivage n'appartient à personne. Les concessions minières sont faites dans la plupart des systèmes de droit en régime d'amodiation, c'est-à-dire qu'on vous autorise pour une durée déterminée à exploiter ce qu'il y a dans le sous-sol. Enfin, des choses de ce genre. Bon. C'est tout le contraire d'une... Alors pourquoi j'employais le terme ? C'est parce que c'est tout le contraire d'une sorte d'appropriation symbolique, teintée d'idéalisation, voire d'éternité. C'est quelque chose qui n'implique absolument pas une appropriation, mais je dirais une occupation et une exploitation réversible et temporaire, mais qui ne va pas jusqu'à, même si vous avez des droits de propriété particuliers, hein, c'est évidemment une image de mon histoire d'amodiation, mais qui ne va pas jusqu'à solliciter, je dirais, un pacte symbolique fort. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que ça paraît comme ça obscur. Un exemple qui engage très directement le sujet de cette année, qui est la psychothérapie. C'est les jouissances toxiques. Jouissances toxiques, les gens qui boivent. Deux sortes de gens qui boivent. Les gens, les grands buveurs... Encore qu'un grand buveur aujourd'hui, c'est pas un grand buveur de l'époque de Freud. Et la polytoxicomanie. Les gens qui prennent un rail de coke, un tranquillisant, un verre d'alcool, etc. Bon, c'est pas un somnifère, des choses de ce genre, de façon assez alternée. Lorsque je parlais d'amodiation, de manière justement d'articuler cette jouissance infinie qui est d'ailleurs essentiellement transgressive, qui donne l'impression d'être pouvoir toujours dépasser dans d'autres horizons, avec la possibilité d'avoir une expérience, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire c'est la possibilité de constituer une expérience avec ce rapport inhérent à la transgression et à la jouissance. C'est pas du tout acquis. Avoir une expérience d'alcoolique, c'est pas tout à fait la même chose qu'être alcoolique. Avoir l'expérience de l'alcoolique, c'est avoir constitué quelque chose de temporaire, de réversible, à l'intérieur du quoi vous pouvez vivre quelque chose comme une existence, mais sans qu'on puisse non plus faire comme si vous vous étiez coupé pour vous constituer subjectivement d'une jouissance débordante qui serait intrinsèquement exclusive de l'affirmation subjective. Et c'est donc quelque chose qui implique qu'on n'ait pas, ce que je veux dire par amodiation, des modes de constitution d'une expérience de vie qui ne passe pas nécessairement par un retranchement symbolique, une renonciation à la jouissance sur un mode radical, avec la construction d'un bord extrêmement fixe, déterminé, la reconstitution d'un pacte ou des choses de ce genre. Alors, comme vous savez, c'est vraiment un enjeu un peu sale de tout ce qui est psychothérapeutique. C'est vrai qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui pensent qu'on peut vraiment, par une psychanalyse, guérir un grand alcoolique. Ça arrive d'ailleurs, hein, il y a des gens qui deviennent abstinents, si on peut appeler ça guérir. Bon. Mais souvent, la question de l'abstinence est une question chez les alcooliques extrêmement problématique, parce que finalement, on ne leur offre pour la faire tenir, cette abstinence, que la dimension du pacte. Voilà. Un pacte avec le conjoint, un pacte avec les enfants, parfois un pacte avec l'employeur ou avec l'institution sociale. Hein. C'est quand il n'y a plus rien, quand la femme s'est tirée et que les enfants ne veulent plus entendre parler de vous, il ne vous reste plus que le pacte avec le médecin ou l'institution. Ce que je voudrais introduire comme dimension marginale, avec mon idée comme ça qu'il y a d'autres choses que le pacte et la reconstitution d'une sorte de limite symbolique, c'est ce qui pourrait être psychothérapeutique au sens où vous pourriez avoir une expérience de l'alcool. Cette expérience de l'alcool, finalement, n'impliquerait pas une renonciation absolue n'impliquerait pas de renoncer aux rechutes, de renoncer à boire, etc., etc. Mais avec une question extrêmement difficile, à savoir qu'est-ce qui fait tenir, dans ce cas-là, une expérience des limites. Alors, les adolescents ou les jeunes gens, ceux qui le sont très gravement, ils ne vivent pas non plus très longtemps, hein, parce que, bon, c'est quand même très très violent. Hein, les gens qui sont inutiles, qui boivent, qui font des passages à l'acte, tentatives de suicide, c'est quand même extrêmement problématique. Une des choses qui m'a toujours beaucoup frappé avec ça, c'est la question de savoir comment vous pouvez constituer une expérience avec ça. Une expérience où on n'aurait pas à traiter en rigolant, en se poussant du coude, tellement c'est évident sur le plan que les gens qui s'automutilent, ils essaient désespérément de reconstituer des coupures symboliques, n'est-ce pas ? Mais comme ils n'y arrivent pas, alors ils le font dans le réel, mais on peut raconter toutes sortes de choses sur ce genre d'équivalence-là, et pourquoi pas d'ailleurs, si c'est peut-être vrai dans certains cas. Mais ce qui fait quand même la très grande difficulté de s'occuper de ces gens-là, c'est de les laisser constituer une expérience avec leur rapport aux limites, à la jouissance, ou à ce qu'ils peuvent découper dans cette jouissance qui leur reviendrait en propre, qui serait à eux, temporairement, fugitivement, sans en rajouter, parce que c'est souvent assez injonctif, hein, sans en rajouter dans ce qui va, comme on l'observe constamment, même ce qui définit les borderline, sans les guérir, parce que si on les guérit, alors ils se tuent. Hein, c'est toujours le problème. Hein, si le borderline qui part en souriant vous revient sur une civière. C'est toujours... Non, mais c'est vrai, c'est quand même... Ce qui oblige, comme dit très bien Marshall Limeran, ce qui oblige à maintenir une tension et une difficulté à l'intérieur même du suivi de ces patients. Et je trouvais ce très beau, pour ça j'attirais votre attention là-dessus, sur ce coming out entre guillemets de Marshall Limeran, racontant qu'en fait les borderline, c'était elle. Et que tout ce qu'elle a fabriqué, c'était sa propre histoire d'automutilation, d'hospitalisation, de diagnostic de schizophrénie à 18 ans, de tentatives de suicide à répétition pendant des années et des années et des années, et que donc elle était au cœur de ce qu'elle avait fabriqué elle-même. Sauf que ça, c'est extrêmement, cette dialectique, cette thérapie donc étrange, la dialectique behavior therapy, est... quelque chose dans lequel vous sentez que une expérience est constituée. Et même si mon aversion pour le bouddhisme s'est manifestée exagérément la dernière fois, je crois que c'est quand même autour de la fabrication, de l'utilisation d'un certain nombre de motifs empruntés au bouddhisme que les choses ont pu cristalliser pour elle. J'insiste sur ce point. À mon avis, il y a une expérience borderline, mais j'en avais parlé... avec un d'entre vous il y a longtemps, je ne crois pas qu'il y a d'expérience psychotique, par exemple. Je crois que même ce qui caractérise la psychose, c'est que les conditions de possibilité de ce qu'on appelle une expérience, ils sont abolis. Il saurait y avoir d'expérience de la psychose, même ce qui la caractérise formellement. Tandis qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une expérience de la vie dans la transgression, dans l'excès de jouissance, etc. Et qu'est-ce que j'appellerais ainsi une expérience ? C'est la possibilité d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est au sens même de l'expérirer, de l'origine de l'expérirer. Et c'est en ce sens aussi, par exemple, que le maître concept de la phénoménologie de l'esprit, chez Hegel, qui est l'erfahrung, l'expérience, est un moteur constitutif de la tragédie de la conscience de soi, au sens où il faut à chaque fois, à chaque moment du processus, que ça aille jusqu'au bout. Si c'est une expérience, ça doit aller jusqu'au bout. Alors c'est particulièrement visible dans les passages les plus connus, comme la dialectique du maître et du serviteur, où il faut aller jusqu'à mettre sa vie en jeu pour que le processus déploie toutes ses possibilités. Mais ce fait d'aller jusqu'au bout est une dimension essentielle de l'expérience. Et donc aller jusqu'au bout, c'est toujours aller chatouiller les limites. C'est toujours aller chatouiller le bord de la limite, et c'est pour ça que le modèle, je ne sais pas si, je crois qu'il le dit d'ailleurs, le modèle, c'est vraiment le Bildungsroman, en ce sens-là. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout de ses erreurs. Pour pouvoir trouver la vérité, on ne peut trouver la vérité qu'en allant jusqu'au bout de ses erreurs. C'est-à-dire, et c'est celui qui s'arrête en chemin qui s'efface, hein, qui essaie de revenir en arrière, qui ne va pas jusqu'au bout de son erreur, qui ne vit pas la perte ou l'accomplissement jusqu'au bout, qui échoue et qui rate. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, je voudrais quand même, puisque je l'ai dit la dernière fois, je le redis, il y en a quelques-uns parmi vous qui sont occupés, qui s'occupent d'adolescents, j'aimerais bien qu'une séance, un séminaire, soit consacrée à ce que vous auriez éventuellement à dire de ce problème, d'une approche non déficitaire des gens qui vont au bord du gouffre, qui vivent constamment au bord du gouffre. Que ce soit des adolescents, des jeunes gens, etc. Et sur au fond, l'interrogation que ça suscite en vous. Alors maintenant, ayant résumé ceci, ayant parlé du Bildungsroman, je voudrais faire une transition un peu acrobatique, mais qui, je pense, dans les séances d'après, va vous paraître plus claire. Je voudrais nouer plusieurs fils ensemble. On m'a demandé, pour un colloque qui est consacré à ce philosophe dont j'ai souvent parlé, qui s'appelle Vincent Descombes, on m'a demandé de faire un exposé pour discuter avec lui. Et bien sûr, on m'a demandé de parler de psychanalyse. C'est tombé sur moi. Et notamment, pour la raison suivante, c'est que Vincent Descombes est le philosophe qui est le seul, en fait, philosophe français, à ma connaissance, enfin, un vrai philosophe qui a une pensée philosophique propre, qui s'est livré à une véritable critique de la psychanalyse. Dans la constellation contemporaine de la philosophie analytique qui connaît un peu la philosophie française, qui est cohérente avec la tradition sociologique française, des lecteurs de Mauss, de Dumont, etc. Bon. Ça a quand même une particularité, c'est que c'est pas de la philosophie de la psychanalyse à la française, c'est-à-dire ça consiste pas à atteler la psychanalyse à la phénoménologie, pour tenter de désembourber la charrette des paradoxes hérités de l'idéalisme allemand. Hein. C'est un truc qui est un peu différent, c'est pas une sorte de philosophisation de la psychanalyse. Ça ne tient pas du tout la psychanalyse comme quelque chose qui interroge la philosophie. C'est vraiment une analyse des concepts, de la cohérence conceptuelle. Et elle a une particularité, c'est qu'elle n'a eu absolument aucun écho dans la psychanalyse française. C'est-à-dire que le principal, le plus intéressant, le plus profond des critiques de la psychanalyse et du freudo-lacanisme français n'a jamais, jamais été discuté, à ma connaissance, en détail, minutieusement, par aucun psychanalyste français. Il y a des gens qui ont plus ou moins utilisé des notions. Gilles Locher était très intéressé par un moment par... Il est intéressé partout, donc ce n'est pas forcément très significatif. Personne ne s'est attelé radicalement à répondre, à discuter de ces choses-là. Et alors, la raison pour laquelle j'introduis ici Vincent Descombes et bizarrement Proust, philosophie du roman là-dedans, c'est qu'il y a un fil conducteur de la pensée de Descombes qui va... de la réflexion sur Wittgenstein jusqu'à sa réflexion de philosophie politique contemporaine, c'est la contestation de l'évidence de la notion de sujet mis à toutes les sauces, que ce soit le sujet phénoménologique ou le sujet de l'inconscient ou le sujet de droit, sous toutes ces figures. Alors, pour ce qui concerne le sujet du sujet de l'inconscient, il y a un texte qui est antérieur à sa période, clairement, entre guillemets, analytique, qui s'appelle « L'inconscient malgré lui ». Donc, ma conférence va s'appeler « La psychanalyse malgré lui ». Il a écrit ensuite un texte qui s'appelle « Grammaire d'objets en tout genre ». Et il écrit un texte qu'on ne peut pas facilement trouver, qu'on ne trouve que dans Critique, qui est un compte-rendu de 82 du livre de McIntyre sur l'inconscient analyse d'un concept qui venait d'être traduit et qui s'appelle l'inconscient adverbial. Et je donne à l'inconscient adverbial, pour ceux d'entre vous qui, je sais que vous intéressez beaucoup à Descombes, l'inconscient adverbial, quand on le lit, un texte qui a plus de 30 ans, contient en germe la quasi-totalité des motifs de la pensée de Descombes. C'est absolument étonnant. Vous avez énormément de choses qui sont vraiment, même qu'on retrouve encore aujourd'hui dans son dernier bouquin sur l'identité, dans ses questions. Il y a vraiment là une sorte de moment où tout est enveloppé en quelque sorte. Et en plus de ça, il a toujours dit que la philosophie de la psychanalyse avait été pour lui un moment essentiel de constitution de sa propre réflexion. Moyennant quoi, aucun psychanalyste ne s'est attelé à la discussion de Descombes. Alors c'est vrai que Descombes, ponctuellement, sur une ou deux choses, dans Grammaire d'objets en tout genre, dit des choses qui sont fausses. C'est toujours extrêmement sur Lacan. Mais c'est toujours extrêmement facile de repérer une ou deux phrases qui sont fausses pour faire comme si ça invalidait le reste, alors que le reste n'est pas du tout invalidé par une erreur ponctuelle sur ceci ou sur cela. Et je dirais même que les quelques personnes avec qui j'ai discuté et qui m'ont cité ces phrases ne faisaient que témoigner du malaise dans lequel émet une critique aussi forte. Or, il y a chez Descombes un trait qui nous intéresse très directement par rapport à ses réflexions anthropologiques sur l'individualisme et la modernité, c'est qu'il a une certaine posture que je qualifierais d'anti-moderne à sa manière, qui est liée à ses références chez un groupe d'élèves de Wittgenstein qui ont été très très marqués par le catholicisme, notamment par saint Thomas d'Aquin, par... Et au-delà de Thomas d'Aquin, par Aristote, par une référence à l'Antiquité, comme McIntyre, comme Anthony Kelly, comme Margaret Anscombe, etc., et qui ont, d'une certaine manière, montré la valeur critique d'une pensée, comme celle de Wittgenstein, dont il n'est pas tout à fait sûr qu'on puisse la ranger dans la pensée critique. C'est pas tout à fait. C'est très difficile de dire que Wittgenstein est un penseur critique parce que d'une certaine manière, c'est plutôt quelqu'un. C'est un penseur thérapeutique plutôt qu'un penseur critique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un. Il s'agit de défaire des nœuds beaucoup plus que de condamner comme pathologique ou comme faux ou comme déviant ou comme erroné tel ou tel usage de nos. Enfin, la nuance est faible, mais c'est quand même très important. Il y a une ambition thérapeutique chez Wittgenstein qui se retrouve dans un courant de pensée critique, et souvent d'ailleurs très militante, hein, chez Kenny, McIntyre, Anscombe, etc., avec des prises de position politique extrêmement fortes, des jugements sur la modernité visant à se traduire dans des postures éthiques redoutablement armées, qu'on n'aurait pas forcément trouvé chez quelqu'un comme Wittgenstein. Bon. Et alors, cette posture anti-moderne, elle attaque la notion de sujet comme étant... c'est pas qu'il n'y a pas de sujet, hein, il y a bien sûr qu'il y a du sujet. Mais sur l'idée que le sujet théorique, qu'il soit phénoménologique ou psychanalytique, serait la raison ultime, la pierre de touche de toute pensée métaphysiquement fondée ou de toute explication réelle des dimensions les plus profondes de notre vie morale. Pour lui, pour Descombes, ce sujet, ça va très loin, puisque justement, ça va s'enraciner dans une anthropologie de la création artistique. Et la lecture qu'il fait de Proust, de La recherche du temps perdu, dans Proust, philosophie du roman, présente cet intérêt absolument considérable de prendre ce qui est d'une certaine manière un des plus grands romans de formation de tous les temps, qui est vraiment sur le schéma du roman de formation de Proust raconte comment Marcel va devenir l'écrivain, qui sera Proust racontant comment Marcel devient un écrivain, cette espèce de de bouclage extrêmement particulier, où finalement le paradoxe de la recherche du temps perdu, c'est qu'on ne devrait pas pouvoir lire le livre parce qu'il raconte juste tout ce qui s'est passé avant le moment où le livre va commencer à être écrit. Bon. Et que même dans la vie de Proust, hein, comme vous savez, la quasi-totalité de la théorie qui porte l'esthétique du roman est écrite avant le roman. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez dans Le Temps retrouvé est déjà dans le Sainte-Beuve, dans le Contre Sainte-Beuve. Et qu'on a l'impression qu'on arrive à l'esthétique finale du Temps retrouvé, qui est celle du Contre Sainte-Beuve, alors que le Contre Sainte-Beuve, au point qu'il y a des critiques, ça fait rigoler des cons, mais évidemment, qui disent c'est quand même absolument fascinant, quel génie, il avait déjà, 30 ans avant d'écrire Le Temps retrouvé, déjà tout trouvé, c'était tellement profond, les formules sont déjà là, etc. Sans voir comment le dispositif est construit. Or, ce roman de formation, La recherche du temps perdu, met extraordinairement en lumière une figure où se condensent tous les paradoxes de l'individu qui se prend pour un sujet en train de s'auto-construire. Et l'idée de Descombes, dans Proust, philosophie du roman, c'est que Proust a souvent été lu comme quelqu'un qui vérifie par l'œuvre le bien fondé de cette théorie de l'autoconstruction de l'individu, devenant lui-même et devenant artiste, par une sorte d'autoposition créatrice qui passe par le processus de l'écriture. Et d'une écriture qui est un écrire au sens, un écrire intransitif, en quelque sorte. Il n'écrit pas sa vie, c'est écrire qui est sa vie. Et par là, c'est tout ce monde de la modernité et de l'autoconstitution soit de l'artiste, c'est aussi bien qu'il s'éclaire, c'est le work in progress de Joyce, c'est tout ce que vous voulez de ce côté-là, où l'écriture devient l'objet même de l'écriture dans un processus d'autoconstitution de l'individu qui s'autopose lui-même. Mon pari, c'est de lier... Alors, dans Proust, philosophie du roman que vous pouvez vous procurer facilement, avec l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'inconscient adverbial, et où je trouve que se trouve enveloppé en germe le Descombes qu'on trouve encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que une des thèses, la thèse de McIntyre dans ce Wittgensteinien que commente et que s'approprie très profondément Descombes, c'est qu'au fond, la meilleure façon de lire Freud, c'est comme il le dit quelquefois d'une certaine manière, c'est comme un romancier. C'est-à-dire que si vous traitez la psychanalyse, ce que dit la psychanalyse, comme une manière d'enrichir prodigieusement la description de ce que c'est que l'individu moderne. Ça va. Mais si vous transformez les moyens descriptifs que Freud se donne pour élargir la peinture des tensions qui animent spécifiquement l'individu moderne en une sorte de machinerie causale qui expliquerait pourquoi l'individu moderne fait ce qu'il fait, alors vous arrivez à quelque chose d'absurde, de contradictoire et de pseudo-scientifique. Or, la lecture que Descombes propose de Proust est une lecture qui vise justement à rectifier la théorie que Proust se fait de l'invention et de l'écriture du roman, de ce roman de formation qu'est la recherche, par la manière dont Proust écrit son roman. C'est-à-dire à corriger le Proust théoricien par le Proust romancier. Le Proust essayiste de Contre Sainte-Beuve par la pratique et l'invention d'écriture même que fait Proust. Le roman tel qu'il est ainsi décrit, il est philosophique. C'est pour ça qu'il y a cette notion de philosophie du roman. Un peu, si vous voulez, comme Aristote, quand il dit que la poésie tragique est plus philosophique que l'histoire, dit Aristote. Pourquoi ? Parce que l'histoire auquel il pense et la narration, c'est pas du tout notre histoire, nous, c'est Thucydide, c'est Hérodote. L'histoire raconte ce qui s'est passé, tandis que la poésie tragique, c'est ce en quoi elle est plus philosophique, montre que, selon un certain argument de la pièce, il ne pouvait pas se passer autre chose que ce qui s'est passé. Et c'est cette nécessité interne du déploiement de l'argument dramatique qui fait qu'il y a quelque chose de plus philosophique dans la poésie tragique que dans l'histoire. Et en ce sens, le roman, comme le voit le roman moderne en tout cas, comme le voit Proust, et comme Descombes le voit exactement comme Proust, le roman moderne, il a ce site philosophique, et il prend sa densité philosophique, effectivement, quand il a ce trait de la philosophie, de la poésie tragique, de montrer qu'étant donné comment étaient les choses ne pouvaient pas se passer autrement, d'introduire une figure de la nécessité, qu'il y a des arguments, il y a quelque chose un argument dramatique qui va nécessairement amener un certain nombre de conséquences. Avec cette différence cependant, qui n'existait pas dans l'Antiquité, c'est que nous pouvons faire de la poésie dramatique avec de l'histoire. Ça, c'est un des traits de la modernité. Je pense que le prototype de la chose, c'est déjà Hegel, alors évidemment, c'est encore plus Marx, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que l'histoire obéit à un processus dans lequel, étant donné un certain nombre d'arguments, par exemple la lutte des classes, il ne peut pas ne pas se passer un certain nombre de choses dont l'histoire va en quelque sorte présenter dramatiquement et tragiquement l'exposé. Donc pour nous, le lieu de la poésie dramatique, un lieu possible de la poésie dramatique des anciens, c'est l'écriture de l'histoire, et par là même les grands romans mondes, que ce soit le roman de Musil, ou que ce soit évidemment la recherche du temps perdu, ou certains romans de Joyce, ces romans mondes, sont des romans dans lesquels il y a une nécessité qui se déploie. Et c'est ce en quoi ils ont quelque chose de philosophique. Alors, il y a des motifs pour lesquels je fais ce rapprochement et que je vous amène sur Proust. Il y a des motifs qui sont liés à ce que je peux entendre aussi, voir, travailler pour plein de raisons. C'est que c'est une des raisons pour lesquelles vous verrez, si vous ne l'avez déjà pas vu dans votre pratique, que pour ceux qui y ont accès, la recherche du temps perdu reste un texte qui a des effets thérapeutiques, encore aujourd'hui. C'est un texte qui a des effets thérapeutiques, c'est-à-dire dont on ne peut pas nier. C'est ce en quoi vraiment il appartient à ces grands monuments incrustés dans le langage, comme la phénoménologie de l'esprit, Dante, etc. C'est parce que il a une force interprétative. Il a une force interprétative. Il y a un effet d'élucidation. Il y a un effet... Alors, Descombes, qui est très intellectualiste, parle de réforme de l'entendement. Hein, c'est des romans qui causent une réforme de l'entendement. C'est-à-dire que les ayant lus, on ne comprend plus le monde comme on le comprenait avant. On le comprend avec une forme de réagencement extrêmement profond de nos... Alors moi, je pense que les dimensions affectives sont cruciales, hein, mais l'intelligence des liens sociaux, la nature du processus créatif, la nature de l'affirmation des âges de la vie, et toutes ces choses-là sont entièrement réorganisées. Et comme ils sont réorganisés au niveau du monde, hein, cet effet thérapeutique est extrêmement puissant. Je dirais même que la transformation qu'impose au phrasé, pour ceux qui ont la maîtrise de la langue française, la lecture en continu de ce texte de Proust était vraiment extrêmement importante. Il y a même quelque chose de l'ordre de la matérialité du déploiement d'une phrase, de ce que c'est que le temps qu'il faut pour dire, de ce que c'est donc le réel qui s'impose dans la construction d'une image, etc. Tout ça est profondément... a un effet interprétatif absolument majeur. Alors, C'est aussi quelque chose qui relève du Bildungsroman par une figure que Proust a explicitement déclaré, hein. C'est que c'est comme dans la phénoménologie de l'esprit, c'est le moment où la certitude subjective, va rencontrer comme son contraire la vérité des choses. D'un côté, vous avez des certitudes, et c'est la longue histoire des désillusions qui font qu'on passe de quelque chose dont on était simplement certain, au prix de l'expérience menée jusqu'au bout de la désillusion, à la vérité. Et le temps retrouvé est censé incarner cette vérité. Mais elle a ce tour génial qui est présent et qui est, à mon avis, la marque géniale qu'a donné Hegel la figure, c'est que même la désillusion aussi sera un objet de désillusion. C'est-à-dire qu'au bout du compte, être désillusionné, ça n'est toujours pas être dans la vérité. Être dans la vérité, c'est être désillusionné même quant à ses désillusions. Et ce dispositif final est absolument majeur dans l'organisation de la recherche, puisque c'est finalement au moment où il s'aperçoit qu'il a tout gâché, qu'il a tout compris. C'est en s'apercevant que sa vie s'est passée à ne jamais trouver, malgré sa facilité de plume, de quoi parler, qu'il découvre qu'il suffit de parler de cela. Et que la désillusion... au moment où il touche ce point-là, il s'aperçoit qu'il faut aussi perdre l'illusion, qu'il s'est désillusionné, et que c'est en ce moment-là que le roman commence. Et donc, c'est effectivement quelque chose que vous trouvez très fortement. Chez Goethe, c'est pas encore très clair. Hegel, ça l'est déjà. Celui pour qui s'est poussé à son paroxysme, c'est évidemment Flaubert. Ça ne commence que dans la désillusion, sur la désillusion. Il y a cependant un certain nombre de nuances très fortes qui nous permettent, c'est quand même, il ne faut pas oublier, Proust, c'est le contemporain de la création de la psychanalyse. C'est donc les gens... ce monde, c'est un monde où on respire l'air des gens qui se sont allongés sur les divans. Comme d'ailleurs Musil, peut-être même encore plus Musil que Proust à cause de l'Autriche. Je crois qu'il y a un certain nombre de nuances auxquelles que je voudrais apporter et qui m'amènent au cœur de mon propos. C'est que tout d'abord, s'il y a bien un roman dans lequel l'arbitraire du signifiant phallique est poussé à son paroxysme et devient une matrice organisatrice du roman, c'est l'argent. La question de l'homosexualité, en particulier, la question de l'incertitude de ce que c'est que le sexe, est étendue bien au-delà de la crise de l'adolescence ou de la figure romantique de la jeune fille qui se déguise en jeune homme. On n'est pas... Voilà, on est sorti de la bergerie complètement. Quand maintenant on est vraiment chez les loups avec Proust. Donc ça, l'arbitraire du signifiant phallique devient une énigme centrale dans la constitution de l'identité personnelle. La deuxième chose, c'est que la question du permettre ne pourra plus jamais reposer sur les grands anciens. Parce que tout ce que raconte Marcel, c'est l'impossibilité, agie même à travers le pastiche, d'écrire comme Balzac, comme Saint-Simon, etc. Il peut, et c'est vide. Exactement comme Picasso expliquant qu'à 15 ans, il pouvait faire un Titien. Et qu'il a fallu qu'il vienne à Paris... Et qu'il finalement se mette à vivre comme un artiste déclassé pour pouvoir arrêter de faire à volonté un Titien ou un Velasquez. Bon, ça c'est quelque chose de... Et à 15 ans, certains présentent dans ce moment très spécifique. La troisième chose qui me paraît... Donc, il n'y a pas de grands anciens, il y a des aînés. Et le problème des aînés, c'est qu'on va les voir vieillir. Et donc, il y a Bergotte. Il y a la figure de Bergotte, de l'écrivain inaccessible. Il y a un certain nombre de personnes comme ça. Et où, au fond, en entrant dans la familiarité du grand écrivain, de celui dont on cherche à imiter la prose, la proximité trop grande va détruire la capacité à devenir un modèle. Et là, c'est quelque chose qui, je crois, très absolument tragique, qui est tragique d'ailleurs chez tous les jeunes écrivains qu'on voit aujourd'hui, hein, comme ça, c'est que ils ont plein d'aînés. Mais comme ils s'en approchent trop, ils les brûlent. Et ça, c'est souvent quelque chose d'extrême, qu'ils vivent extrêmement mal. On peut pas, quand on vit trop près du genre de grand homme qu'on peut avoir aujourd'hui, il n'en reste rapidement plus grand-chose. Il n'y a pas de lieu où on peut l'abriter, en quelque sorte. Les dispositifs d'idéalisation sont encore plus fragiles que ceux qu'il y avait à l'époque de Proust. Le troisième point, qui est extrêmement singulier et qui intéresse, alors là, de manière absolument centrale, Descombes, c'est la question de l'écriture. Puisqu'au fond, Proust, c'est un de ceux par qui est entré dans la discussion de la culture l'usage intransitif du verbe écrire, qui fait que vous avez des gens c'est souvent très très problématique, et je reviendrai là-dessus à la fin, qui viennent vous voir en analyse, en tout cas dans certains milieux, en vous disant que ce qu'ils voudraient, c'est écrire. De manière intransitive. Je vais écrire la vie de ma belle-mère, non, je veux écrire. Et pourquoi ? Parce que c'est écrire intransitif. C'est un des lieux dans lequel s'est constituée une figure que Vincent Descombes juge pathologique, qui est celui de l'autopposition de l'artiste dans la modernité. Et que énormément de tout un discours auquel qu'il ne crédite pas d'autre chose que d'être un immense sophisme, une erreur de catégorie. C'est élaboré pour faire des principes ou des causes qui permettraient d'écrire quelque chose qui renvoie à une machinerie de la création, une machinerie de la subjectivité. Il y aurait quelque chose à goupiller dans l'inconscient pour pouvoir écrire comme ça. Évidemment, comme on sait, c'est une des choses que l'analyse ne réussit pas souvent à faire que quelqu'un écrive. Et quand les gens écrivent, en général, ça n'a rien à voir avec l'analyse. S'ils ont découvert le whisky. Et c'est ça, le whisky, ça fait écrire. C'est quand même une des grandes vérités, même une des seules littératures américaines, c'est le whisky. Et là, pour Vincent Descombes, ce mythe de l'écriture, cet écrire intransitif, qui fait qu'au fond, un très grand nombre de critiques littéraires français depuis les années 60, hein, depuis Barthes jusqu'à aujourd'hui, et évidemment, je parlais tout à l'heure de Jacques Derrida, ne peuvent pas vraiment commenter Proust, ils ne peuvent que relancer cette idée proustienne qui est introduite de l'écrire comme processus intransitif. Et ça sert de base à relire rétrospectivement la correspondance de Flaubert, Crise de verre de Mallarmé, etc. Autour de cette construction de l'écrire intransitif, de Blanchot, Blanchot en est probablement, je crois, le principal artisan savant, hein, et très conscient d'ailleurs du fait qu'il y a là un problème historique. Ensuite, ça devient un problème structural et c'est déjà beaucoup moins intéressant, mais un problème historique, c'est l'écrire intransitif. Et pour Vincent Descombes, c'est là où se cristallise un nid de sophisme, un nid de sophisme dont le fond est le mythe de l'intériorité. Et en particulier, une des expressions chez Proust de ce mythe de l'intériorité, qui est l'interprétation qu'il donne d'Elstir ou des propos d'Elstir, le peintre impressionniste, dans lequel ce qu'il faudrait peindre, ce n'est pas ce que sont les choses, mais ce que me font sentir les choses. Non pas les choses, mais mes sensations des choses, qui est un motif absolument fondamental de l'art moderne, hein, et qu'on trouve chez Turner, etc., qui dit qu'il peint ce qu'il voit et non pas ce qu'il sait. C'est une célèbre formule de Turner. Je crois que c'était un officier de marine qui lui reprochait de ne pas avoir peint les sabords sur un bateau. Et Turner lui avait répondu « Mais monsieur, moi je ne peins que ce que je vois, je ne peins pas ce que je sais. » Donc les accusations de l'impressionnisme comme peinture de myope, n'est-ce pas ? Toutes ces choses-là, où le travail sur la lumière, qui est bon, des polémiques de l'époque, mais qui font comme si, au fond, nous pouvions avoir accès non pas aux choses, mais aux sensations que nous avons des choses, et que les sensations que nous avons des choses constitueraient un monde purement subjectif, qui aurait son autonomie, qui constituerait un royaume propre, entièrement détaché, qui rendrait miraculeux le fait que nous puissions communiquer avec autrui ces sensations. Ce miracle s'appelle l'art. C'est ça l'esthétique résumée en 30 secondes de Proust impressionniste, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que je ne vais peindre que ce que les effets subjectifs des choses sur moi. Il n'y a aucune raison que vous puissiez y avoir accès, sauf ce miracle qui s'appelle l'art. Bon. Donc une théorie expressionniste mélangée à une théorie impressionniste, mais dans lequel d'un bout à l'autre, vous mesurez la constitution d'une dimension absolument close de la subjectivité. Donc, il y a, je maintiens ce parallèle comme ça pour que vous ne l'oubliez pas, la théorie du rapport à des fantasmes, par exemple, du rapport que chacun d'entre nous aurait à des fantasmes, par exemple dans une conception kleinienne de la psychanalyse, c'est typiquement ça. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas rapport à monsieur machin ou madame truc, mais le psychanalyste kleinien, vous ouvrez un peu vite la porte, il vous dit c'est la scène primitive qui est derrière. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, on interprète le monde subjectif à travers lequel, quelquefois, est appréhendé le monde extérieur, comme s'il constituait un monde propre et détaché du reste. Alors, mon point de départ, à la fois dans une discussion que je dois écrire, et j'en tremble, de ce que Descombes raconte de la psychanalyse, et de la manière dont ça s'articule à la question de la modernité, c'est que Descombes a trouvé un moyen, je crois, extrêmement rigoureux et précis, de montrer la solidarité de tous ces motifs constitutifs de la modernité, et aussi bien dans la littérature que dans la psychanalyse, que dans la philosophie phénoménologique et dans toutes ses conséquences. Et que, par exemple, je pense que Vincent, le livre Proust, philosophie du roman, c'est à peu près la seule chose qui puisse très réellement attaquer Derrida, qui est, moi, le sommet de... Si on va jusqu'au bout de ce mélange de psychanalyse, de littérature et de philosophie phénoménologique, c'est sur Derrida qu'on va tomber absolument. Alors, j'avance en disant ceci. C'est que Descombes sauve Proust, essayiste, grâce à Proust en romancier. Or, comme il y a un certain nombre de parallèles dans sa critique de la psychanalyse et dans sa critique de la théorie que Proust fait, l'esthétique que Proust promeut dans son roman, je me suis vraiment demandé pourquoi il ne sauvait pas Freud alors qu'il sauvait Proust. Alors, la manière dont il sauve Proust est la suivante. Il fait référence à très important critique américain, Northrop Frye, F-R-Y-E, qui indique qu'une des propriétés du roman moderne, le moment où le roman moderne, c'est vraiment, je dirais presque, plus, je ne sais pas si on peut dire le roman moderniste, non, c'est pas vrai, mais le roman moderne, en étant un roman monde, c'est quand même une dimension très importante du roman. Il faut que ce soit des livres monde, hein, pour que ça tienne la route, cet argument, tendent à transformer les discussions sur les idées abstraites en les dramatisant et en en faisant des enjeux de la transformation concrète des personnages. Au lieu de faire un exposé théorique méthodique à l'intérieur du roman, les moments théoriques qui, dans un roman monde, sont inévitables. Ces moments théoriques sont toujours rapportés à la dramatisation du rapport entre les personnages. Et ils indiquent les transformations réelles des gens qui défendent les différentes thèses qui sont en conflit. Bon. Le point où je crois c'est le plus achevé dans le roman moderniste, c'est dans L'homme sans qualité, où vous avez véritablement des exposés théoriques extraordinairement sophistiqués, mais qui sont assumés par les personnages et qui jouent un rôle dans la transformation concrète de ce que sont ces personnages. Et cette règle du roman moderne, dit Northrop Frye, qui cesse d'avoir des grands passages moralisateurs, comme par exemple dans le roman du XVIIIe siècle, hein, par exemple, Jorge de Sade, hein, par exemple, il y a des fameuses dissertations philosophiques, qui jouent, semble-t-il, quand même extrêmement peu, enfin encore, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, qui se ressemblent peu, qui sont des moments philosophiques à l'intérieur de la narration fictive, là, ils sont complètement résorbés dans des rapports entre les personnages. C'est très très clair aussi chez Joyce, par exemple, dans les discussions... dans les discussions théologiques. Cette règle, c'est la règle d'extraversion. Au lieu dit, c'est une train de rule of extraversion, dit de Northrop Frye, et qui est une caractéristique du roman moderne. Et c'est par là que Proust est sauvé. Parce que ces théories littéraires, même quand elles figurent, si j'ose dire entre guillemets, dans le temps retrouvé, comme toute cette esthétique invraisemblable de l'impressionnisme en littérature, de décrire ses sensations subjectives, du miracle de réussir à communiquer le purement subjectif dans l'œuvre d'art, etc., ces choses-là, sont des éléments qui sont beaucoup moins des éléments explicatifs de l'œuvre au complet que des manières d'enrichir la description des transformations psychologiques du héros Marcel. Alors que dans le Contre-Sainte-Beuve, elles figuraient encore, sans guillemets, non pas comme des propos assumés par un personnage qui se transforme en les tenant, mais comme des thèses hein, véritablement critiques et posées, qui, justement, que comme dans le genre Santeuil, ça tombe à plat, et Proust va devoir s'arrêter, parce qu'il ne peut pas, finalement, faire du Contre-Sainte-Beuve le roman, hein, proprement parlé, qu'il cherche à faire. Alors, une des raisons, je crois, pour lesquelles Descombes est illisible des psychanalystes contemporains, c'est que si vous admettez que sa critique de Freud et de Lacan contient des éléments difficilement récusables, et je l'admets, je dirai pourquoi tout à l'heure, il n'en resterait pas moins qu'il devrait être possible de sauver Freud, en quelque sorte, en lui appliquant une règle d'extraversion. C'est-à-dire d'essayer de reconstituer ou d'examiner, à travers par exemple quelque chose comme le récit de cas clinique, que Freud lui-même considère comme étant de l'ordre du roman. Les moments de production comme des idées psychanalytiques, de la même manière qu'il y a des idées romanesques, qui sont des idées de roman chez Proust, des idées psychanalytiques que vous voyez se constituer dans la transformation effective des personnages et qui ne servent pas à faire la théorie du mécanisme qui opère et qui explique la transformation causale du patient de névrosé en guéri, etc., mais qui sont, pour ainsi dire, portés par les différents personnages et qui puisent leur valeur philosophique, force philosophique, de la nécessité qu'elles font valoir dans les positions qui sont les leurs. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut faire ces choses-là avec beaucoup de prudence, parce que sinon les gens se fâchent. Au début de la fin des coupables, en parlant de l'homme au rat, et à la fin de Dame scrupuleuse, quand je raconte comment a été inventée, en quelque sorte, la notion d'Édipe, et comment, dans la fin des coupables, au début, j'essaie de reconstituer ce qui se trame entre, dans le cabinet entre, l'homme, entre Ernst Lanzer et Freud, le projet se justifie, si vous voulez, rétrospectivement, par une tentative, non pas de montrer comment il y a eu une théorie qui aurait été constituée pour expliquer causalement les transformations des patients, mais de faire émerger de manière éventuellement assez romanesque, en ayant recours à des procédés de roman, à des tensions propres au roman, et donc en travaillant dans la langue de la production de cette fiction, le moment où ça émerge. Et où, pour quelle raison, voilà qu'un type qui s'appelle R.E., on ne sait pas très bien, on ne sait pas exactement qui c'est, alors c'est Ernst Lanzer, on sait qui c'est, va apporter à Freud le mythe d'Édipe. Et comme quelque chose, vous voyez, qui ne serait pas ce qui explique pourquoi il est obsessionnel, mais pourquoi, dans l'argument que représente d'une certaine manière son symptôme obsessionnel, va rencontrer à un moment le mythe comme quelque chose qui élève à une dimension philosophique, à une nécessité, l'ensemble du déploiement de ce qui lui arrive dans l'existence. Or, l'impossibilité de faire cela dans le champ psychanalytique contemporain est une chose très simple. C'est que si vous racontez des cas, soit on vous dit ces cas ne font qu'illustrer une théorie préexistante, soit que soit des vignettes, etc., soit ils ne prouvent rien. Ils ne prouvent rien parce que c'est jamais qu'un cas. La difficulté étant, mais je ne sais pas si vous... Enfin, oui, j'espère que... Parce que je ne crois pas que ce que je dis soit particulièrement opaque. La difficulté étant que dès que ça commence à prouver quelque chose, c'est moi là, une des réactions qu'a suscité, j'ai plusieurs personnes à la lecture de ce que j'ai appelé le cas paramort à la fin des coupables, dès que ça commence à... La ressemblance avec la littérature est insoutenable. Ça ressemble trop à de la littérature. C'est-à-dire, c'est pas possible d'écrire un cas comme ça. Voilà, on peut pas, parce que ça n'a plus, et c'est là où vous sentez la force de ce modèle-là, ça n'a plus la valeur d'une vérification empirique d'une théorie causale. Et ça n'a plus... Et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a un argument, que les choses ne pouvaient pas se passer d'une autre manière que, ou du moins qu'il y avait une contrainte dramatique qui se déploie dans l'ensemble du cas... Et on ne peut pas non plus dire que ça ne prouve rien. Donc, vous voyez, le geste qu'on peut tenter en publiant quelque chose qui ressemble à un cas, mais qui est très, très fortement chargé d'enjeux épistémologiques, anthropologiques, de descriptions, de simples descriptions, au fond, on doit, c'est ce qui est crucial, on ne doit jamais savoir si c'est un cas psychanalytique comme les cas de Freud, ou si c'est un jeu avec les cas de Freud. C'est ça, l'enjeu du dispositif prend totalement à brousse-poil les convictions contemporaines. Autrement dit, ça n'est pas une fiction, mais il est essentiel que ça puisse être pris comme une fiction, parce qu'il n'y a que cela qui permet d'appliquer la règle d'extraversion, c'est-à-dire de montrer comment... les idées sont effectivement portées par des gens qui se transforment en les portant. Par exemple, Paramore, c'est lui qui amène totalement de A à Z cette histoire de Noé. Et il l'amène d'une manière qui permet de comprendre la sidération, enfin j'espère, la sidération de Freud devant un type qui lui apporte le mythe d'Édipe. Et de la même manière, ça permet de comprendre la sidération d'un Bion devant ce patient qui lui apporte le mythe de Babel. C'est-à-dire qu'il y a des grands éléments de poésie tragique, religieuse, se mettent à vivre sur ce mode-là. Alors, Le point remarquable de Proust, philosophie du roman, ce serait de m'étonner, c'est ce que je vais faire, puisque Descombes sera là, ce serait de m'étonner, mais sans m'étonner, parce que je vois bien, je vois tout de suite la réponse, c'est que tout est fort clos par la règle lacanienne du refus de présenter la carte forcée de la clinique, comme dit Lacan. Lacan a poussé à son paroxysme l'idée que, au fond, on ne peut pas présenter de la clinique. C'est toujours une carte forcée. Si vous présentez un cas, c'est une carte forcée parce que vous êtes le seul à l'avoir vu, et basta. Bon. Et donc, on ne peut, fondamentalement, chez Lacan, il peut y avoir deux, trois mentions dans tout Lacan de tel et tel patient qui a fait ceci ou cela. Tandis que, d'après tous les témoins du séminaire, le séminaire était truffé d'interprétations à demi-lem. Les gens entendaient que ça c'est exactement ce qu'ils avaient dit sur le divan la semaine d'avant ou le matin. Et c'était des réponses interprétatives à tel ou tel point. Bon. Mais c'était invisible. C'est structuré. Quand vous disiez, il n'y a aucun moyen d'identifier que ça c'est pour Bidule et telle autre phrase pour Machinette. Hein. C'est, bon. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est au fond la mutation que ça imposerait au concept psychanalytique. Cette mutation, elle me fait penser à Bion. De la même manière que Proust, dans Le temps retrouvé, décrit les fameuses paperoles, c'est-à-dire ces bouts de cartes de visite, ces petits bouts de papier dans lesquels il note des idées de roman, c'est-à-dire toutes ces choses qui permettent de faire le roman, qui sont des appréciations sur un bout de conversation, des choses qu'il a entendues, mais qui sont construites comme des idées de roman. De la même manière, vous avez chez Bion la grille. La grille qui n'est en aucune manière une hyper théorie de la psychanalyse, mais qui est une sorte de grande boîte avec des tiroirs dans lesquels vous pouvez classer avec ordre tel de vos rêves, tel de vos lectures, telle remarque de vos patients, tel souvenir de votre analyse, tel détail de la vie sur lequel vous avez buté, en les posant dans des boîtes, sans que ça constitue du tout, en quelque sorte, une hyper théorie de la psychanalyse, mais simplement une ressource, comme les paperoles, qui permettent d'avoir des idées psychanalytiques. C'est une machine à classer, ordonner, situer les unes par rapport aux autres des idées psychanalytiques. Alors, un des points qui m'a beaucoup intéressé dans Descombes, c'est que justement, Descombes dit que quand vous pensez les choses de cette manière-là, il ne peut plus y avoir de question de l'essence de la littérature. Il y a des idées romanesques, il y a des idées poétiques, mais il n'y a pas d'essence de la littérature avec une majuscule. Je crois que de la même manière, lorsque Bion dit « Pour me lire, vous n'avez absolument pas... Il faut que vous soyez formé. Parce que je ne vous apprends pas de la psychanalyse. Faut que... » Alors évidemment, pour Bion, c'était Glanien, mais il savait très bien qu'il y avait des Freudiens, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est une théorie de plus. Il insiste beaucoup sur cette dimension-là, Bion, quand il écrit. C'est quelque chose qui vous permet de mettre en œuvre ce à quoi vous vous êtes formé. Quelle que soit souvent la très grande hétérogénéité des gens qui peuvent lire Bion, ils y trouvent une manière de recaser des choses qui sont profondément hétérogènes. En soi, on devrait s'étonner, par exemple, que Bion ait pu avoir quelques élèves en Angleterre, quelques élèves en Amérique latine et quelques élèves aux États-Unis. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire de la psychanalyse, ce sont des univers mentaux totalement hétérogènes. Il n'y a rien à voir entre un psychanalyste américain, un psychanalyste londonien et un psychanalyste à Rio de Janeiro. Rien à voir. C'est des univers. Mais par Bion, il y a une ressource possible, une utilisation comme ça de la manière de mettre en batterie les choses qui devient possible. Et c'est pour ça que je trouve que, par exemple, le Second Thought, c'est si intéressant, parce que là, il y a des cas cliniques quand on voit les choses. Il raconte des cas, effectivement. Donc on voit, enfin, il raconte des cas tellement invraisemblables que je ne sais même pas si c'est des cas. On ne comprend pas très bien comment le. À un moment, il dit, de toute façon, là, je parle de trois patients en même temps. Les psychanalystes me comprendront. Enfin, il superpose trois personnes pour parler d'un symptôme. Il raconte une seule histoire, hein, mais c'est trois personnes dont il parle en même temps. Alors, c'est un peu étrange. Mais je vais. J'avance en disant ceci. Je crois que ce qui fait l'intérêt pour moi en ce moment pour ces questions de psychothérapie et de modernité et de transformation de la condition des individus, du travail de Vincent Descombes, c'est que pour Descombes, le freudo-lacanisme qu'il a rencontré incarne une impasse spécifique du sophisme de la modernité. C'est-à-dire qu'on a inventé une entité, le sujet de l'inconscient, qui serait en quelque sorte en arrière, en amont, dans une position transcendante par rapport à l'agent conscient socialisé, et qui expliquerait causalement ce qui arrive, ce qui fait que les actions de cet agent sont les actions de cet agent. Alors que, dit-il, tout est perdu, parce que ce n'est pas du tout que ce qui est raconté là n'a aucune valeur, c'est juste qu'on attribue une valeur causale et théoricienne à quelque chose qui enrichit ou qui plus exactement épaissit, c'est une question de thickness, d'épaisseur, épaissit la description de ce que fait l'agent. Ça l'épaissit. Et ça ne l'explique pas. Et que quand on est rentré dans ce cercle vicieux de croire que ça explique, on se retrouve devant la même impasse, ça c'est moi qui le dis, et c'est pour ça, c'est ce qui a fait le principe de discussion avec Descombes, que le Proust du contre Sainte-Beuve. C'est-à-dire qu'on cherche à illustrer par une histoire, type Jean Santeuil, une esthétique type contre Sainte-Beuve. Alors que le roman ne va pouvoir produire son effet interprétatif, avoir sa consistance géniale dans la langue, qu'à partir du moment où la théorie elle-même sera mise au service entièrement, sera une idée romanesque parmi les autres, et auquel s'applique cette règle d'extraversion qui fait qu'il ne saurait y avoir de discussion théorique dans un roman, mais simplement des conversations entre les personnages invoquant des idées théoriques, puisqu'il y a des idées théoriques dans le monde, mais qui participent à la transformation de ces personnages et à la transformation du lecteur qui dialogue avec les personnages. Alors, est-ce que je vais plus loin que ça? Oui, je vais essayer quand même d'aller un tout petit peu plus loin que ce que je vous dis là ce soir. Bon, alors évidemment, c'est une explication rétrospective, parce que j'essaie de réfléchir à la raison pour laquelle il est devenu si problématique de raconter sur un mode littéraire le contenu d'une analyse. Pourquoi ça met les gens mal à l'aise? Alors qu'il me semble que, sauf les dingues, personne ne considère qu'il existe une théorie scientifique de la psychanalyse dont les cas cliniques seraient les corroborations empiriques, sauf les dingues. C'est-à-dire que tout le monde, tous les gens avec qui on peut discuter 5 minutes, quoi, hein, ce qui ne vous explique pas que, de toute façon, comme vous ne connaissez pas la théorie, vous êtes en dehors de la vérité, etc., tout le monde se sert de ce modèle d'une théorie et puis du cas clinique qui vient illustrer, la renouveler, etc., avec la conscience que le jeu de langage auquel on joue en faisant ça est un jeu de langage qui ne tient pas. On critique le scientisme de Freud, hein, qui lui s'imaginait carrément que c'était des vérifications empiriques au sens de la biologie ou des sciences naturelles, hein, bon, que la clinique vérifiait la théorie. En tout cas, il y a des textes qui défendaient publiquement la psychanalyse comme ça, mais on sait très bien que dans les articles d'encyclopédie, dans les articles de journaux, etc., alors qu'on sait très bien, par la correspondance et par la pratique, qu'il était beaucoup plus sceptique sur la validité de ce modèle entre guillemets naturaliste quand il s'agissait de former des psychanalystes ou d'expliquer, ou de parler avec les patients, etc. Hein, c'était pas sceptique, il faisait simplement pas ça. C'était pas une technologie de démonstration naturaliste, alors qu'il, extérieurement, Freud se range du côté de la science moderne. De la psychanalyse du côté de la science moderne. Alors, c'est tout à fait un problème qui s'est posé dans les crises essentielles du mouvement lacanien. Hein. C'est que si vous prenez au sens fort l'enjeu de la rationalité de la psychanalyse, le modèle de rationalité qui subsiste est un modèle qui est essentiellement de cet ordre-là. Alors, pourquoi Descombes l'a attaqué sous un angle, je reviendrai plus tard, je reviendrai la fois prochaine là-dessus, qui ne me paraît pas tout à fait exact et qui pose des tas de problèmes, mais l'angle de McIntyre. Qu'est-ce qu'il appelle l'inconscient adverbial ? Adverbial. C'est-à-dire, non pas dire l'inconscient, mais inconsciemment. C'est l'idée qu'on ne va pas penser un énoncé comme l'inconscient d'Édipe lui fait désirer sa mère, comme quelque chose qui postule comme sujet du verbe une sorte de sujet de l'inconscient, mais qu'on va paraphraser et vérifier la pertinence et la véritable utilisation du mot inconscient là-dedans en disant « Édipe désire sa mère inconsciemment ». Voilà. L'inconscient adverbial, ça consiste à enlever complètement l'inconscient adjectif ou l'inconscient substantif, qui sont les deux versions grammaticales qu'en donne Freud dans la psychanalyse, et à le remplacer par une modalisation, qui est une modalisation qui porte d'ailleurs chez Descombes et chez McIntyre sur la totalité de la phrase. C'est un adverbe qui modifie la totalité de la phrase. C'est inconsciemment, virgule, Édipe désire sa mère, à son insu, sans le savoir. C'est très important de le moduler comme ça, parce que ça correspond, bien qu'ils ne le disent pas, je pense que c'est en fait très présent, avec la grande thèse qu'il défend en 1977 dans le premier de ses livres sur la psychanalyse, qui s'appelle « L'inconscient malgré lui », dans lequel il insiste beaucoup, l'inconscient, c'est pas du tout quelque chose qu'on détecte comme une affaire de contre-volonté ou de mauvaise volonté, c'est-à-dire c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on ne veut pas mais qui se manifeste quand même, hein. C'est une question de savoir, c'est sans le savoir et non pas sans vouloir le savoir. Le critère habituel, dit-on, de la psychanalyse, c'est que le savoir inconscient, c'est quelque chose qu'on ne veut pas savoir. Bon. Descombes, dans l'inconscient malgré lui, récuse c'est totalement cette interprétation, cette lecture qui malheureusement est en toute lettre dans Freud. Hein. Enfin, il le récuse en disant c'est pas une question de vouloir, c'est une question de savoir. Et donc, dans l'article de 82, l'inconscient adverbial, il trouve la solution. C'est tout simplement parce que c'est à son insu, sans le savoir, que veut dire inconsciemment. Alors, je reviendrai la prochaine fois sur le problème de savoir pourquoi il met l'adverbe là. Bon. Mais ça lui permet finalement de dire quoi ? Ça lui permet qu'avec cet adverbe, en introduisant cet adverbe, la psychanalyse, l'adverbe inconsciemment, n'a pas du tout découvert des nouveaux processus causaux du fonctionnement psychique. La psychanalyse a juste trouvé une nouvelle modalité descriptive de ce qui se passe chez les individus. Au lieu d'avoir des simples intentions, on peut avoir des intentions inconscientes qui fait qu'on fait inconsciemment un certain nombre de choses. Ça, la clé. Et ça enrichit la possibilité de décrire les choses, très vaguement, parce qu'il ne s'intéresse pas, et c'est un des graves problèmes de Descombes, il ne s'intéresse pas à la lettre, à l'histoire, au moment où les concepts apparaissent, qui les met, quand est-ce qu'effectivement on va commencer à utiliser inconsciemment cet adverbe d'une manière ou d'une autre. Il ne s'intéresse pas à ces choses-là, il dit juste ça permet de produire des énoncés tout à fait originaux qui auraient été impensables avant la psychanalyse et qui décrivent les rapports entre les gens d'une nouvelle manière. Ça s'oppose, cet usage adverbial de l'inconscient, à la prétention très réelle dans le Freud naturaliste, officiel, très déclaré, que l'inconscient soit un nouvel objet qu'il y a dans le monde réel, qui a des rouages, des pièces, etc., qui fait des choses et qu'on vient juste de découvrir. C'est pas la seule partie du corps qu'on a découverte historiquement, comme on dit pour rire, comme ça, de l'inconscient. Qui est, mais je trouve que c'est une définition, que je trouve ça très drôle, la seule partie du corps qui a été découverte historiquement. C'est que ce n'est pas un mécanisme. Alors, l'argument, il y a beaucoup d'arguments hein, pour dire que ce n'est pas un mécanisme. Il en propose deux que je trouve un peu fumeux, hein, empruntés d'Aristote. Mais il y en a un qui est classique et qui est de Wittgenstein, qui est l'argument sur le refoulement. Alors, je le rappelle, c'est que la seule façon de mentionner un refoulement, c'est de citer les effets qui le trahissent. Mais justement, les effets qui le trahissent sont les effets qu'il faudrait expliquer par le refoulement. Autrement dit, il y a un cercle, c'est une cause qui ne peut expliquer qu'un certain nombre d'effets, qui sont les effets qui ne traduisent que l'existence de cette cause. Et donc il n'y a pas d'indépendance logique entre la force refoulante, supposée, et le refoulement, les effets. Et donc quand on utilise le mot de cause en disant « c'est à cause du refoulement » qu'il a fait ceci ou cela à cause du refoulement de son désir pour sa mère, qu'il a épousé telle et telle femme, etc. En fait, le refoulé et le refoulant sont beaucoup plus comme l'endroit et l'envers, la montagne et la vallée, enfin liées logiquement, liées comme des choses qui vont absolument ensemble et qui sont codépendantes, et pas du tout comme une cause et un effet. Si c'était un rapport de cause à effet, il devrait y avoir une indépendance logique entre ce qui sert à définir la cause et ce qui sert à définir l'effet, et la découverte empirique d'une relation. Mais évidemment, le refoulement et le refoulé et le refoulant ne sont pas dans ce rapport. Bon, il y a d'autres arguments que je laisse, mais ce à quoi s'en est pris particulièrement Descombes dans « Grammaire d'objets en tout genre », etc., c'est à l'idée qu'au fond, chez Lacan, même si ça n'est pas un mécanisme psychique interne avec les instances qu'on décrit chez Freud, la simple mention de quelque chose comme le matérialisme du signifiant, la causalité psychique, etc., est épistémologiquement de la même nature, une explication causale du pourquoi les individus ont une, les sujets plus exactement, ont posent des actes ou disent des choses qui sont sous-déterminées par cette mécanique, cet automatisme du signifiant qui est sous-jacent. À nouveau, il faut faire très attention, à nouveau, Descombes ignore totalement les pratiques et les ancrages cliniques et descriptifs, par exemple la théorie de l'automatisme mental, ce qui se passe chez les psychotiques ou des choses de ce genre, qui en quelque sorte constituent pas simplement des preuves ou des appuis empiriques, mais tout un monde de pratiques à l'intérieur duquel il devient relativement crédible de parler de quelque chose comme un automatisme ou des choses de ce genre. Il ne retient, et ce qui l'intéresse, parce que ça lui paraît être absolument typique du sophisme intrinsèque de la modernité, de cet usage pathologique du langage causal pour parler des faits mentaux, il ne retient que la pente de Lacan a systématiquement favorisé une présentation de type métaphysique et transcendant de l'économie du signifiant. Et d'une certaine manière, Lacan ne lui aurait pas donné tort à cet égard. Je sais que Descombes a assisté à certains séminaires de Lacan, il en a vu un certain nombre en tout cas, comme beaucoup de gens, comme Recanati, des trucs comme ça, qui sont passés à la linguistique après, et qui ont souvent fait d'ailleurs leurs premiers exposés au séminaire de Lacan. Mais quelques philosophes analytiques français ont fait leurs premières armes chez Lacan, comme ça. On ne dirait pas, hein, mais... C'est cet argument qui couronne son travail sur l'inconscient adverbial et qui consiste à dire que la limite de la conscience que quelqu'un peut avoir de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, il ne faut pas la chercher dans la structure d'une sorte d'appareil, que ce soit le fonctionnement du signifiant ou l'appareil psychique qui... sera en quelque sorte une sorte de doublure de ce que l'agent fait lui-même, mais dans les limites qui s'imposent, et qui s'imposent dans le langage, qui s'imposent de manière complètement publique, de manière extérieure, et aucunement par référence à un mécanisme causal, des limites qui s'imposent à la capacité à dire quelque chose de soi. Et c'est ça qui est, je crois, le troublant. C'est que Lacan, le Lacan précisément des années où Descombes écrit l'inconscient malgré lui, dit quelque chose de cet ordre-là. Hein, c'est tout l'argument sur la vérité pas toute. Bon. Simplement, on a beaucoup de mal à mettre ensemble, à l'intérieur de la pensée de Lacan, des réflexions sur ce type-là, sur la vérité pas toute, qui sont des propriétés, qui ce sont des questions qui portent sur la nature de la parole, et puis le mécanisme des années 50 et les schémas topologiques qui sont utilisés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est toujours extrêmement ambigu. Alors, le lien à Proust et à la question de la modernité est le suivant. C'est que Marcel, dans la recherche, fait dans le temps retrouvé la théorie de ce qui a fait de lui un écrivain. Or, c'est Proust qui parle de Marcel et qui ne peut évidemment parler que de lui, que de Marcel. Si bien que la théorie causale que Marcel est en train d'exposer dans la recherche, et qui, pour lequel on pourrait mettre des guillemets, ne s'applique qu'à Proust. Et en ce sens, elle ne peut pas être, cette théorie ne peut pas jouer un rôle causal, au sens fort, de la production du roman. En tant que telle, elle fait partie du roman, et elle fait partie du roman comme un moyen descriptif pour raconter ce que c'est que l'expérience de Marcel, pour exposer plus richement l'expérience et en éclaircir les vicissitudes. Eh bien, je crois que la psychanalyse pourrait tout à fait être considérée, les conceptions psychanalytiques en tout cas que nous sommes amenés à défendre les uns des autres, pourraient être pris de la même manière. C'est-à-dire, même quand on les fait jouer comme des théories explicatives, on ne les fait jouer comme des théories explicatives qu'à l'intérieur d'une description enrichissante, épaississante de l'expérience que nous avons. Ça ne veut pas dire qu'elles se valent toutes, parce que ça ne veut pas dire que toutes les expériences soient également riches, ni également denses. De la même manière que Proust, c'est pas absolument n'importe qui. En tout cas, ça fait apparaître, et c'est ça sur quoi je reviendrai, parce que c'est l'intérêt de la position de Descombes, de l'antimodernisme de Descombes, d'inventer un point de vue d'où tout ce qui est, en quelque sorte, sur la nature, donc on n'arrive pas à se dégager, parce qu'on n'arrive pas, en quelque sorte, à mettre la tête hors de l'eau et voir dans quoi on nage. C'est ça le ce que j'aime bien dans cette espèce d'hétérotopie de la position wittgensteinienne hypercritique à la Descombes, il met en cause tout, quoi, l'écrire intransitif, la littérature, la phénoménologie, la psychanalyse, tout qui passe, hein, comme un vaste sophisme articulé autour d'une difficulté sur causalité et description. Bon. Bien, il me semble que la psychanalyse, ainsi décrite, est une théorie qui est prise dans un mouvement culturel du culte de la subjectivité. Exactement comme la phénoménologie, exactement comme toutes sortes d'autres choses, comme la littérature moderniste, comme autoproduction de l'écriture par l'écriture, hein, ce dispositif-là, et qu'elle n'y fait pas exception. Et qu'il faut prendre solidairement, et ça je crois que c'est très facile avec Lacan, il faut prendre solidairement la question du processus d'écriture, de l'écrire intransitif, et la découverte de l'inconscient tel que Lacan la pratique. Ça appartient au même monde, en quelque sorte. Et que pour Descombes, c'est une pathologie. C'est là où je soulèverai le problème de savoir en quel sens, parce qu'une pathologie, il n'y a que lui qui en souffre, il n'y a que Descombes qui a mal. Les autres vont très bien. Mais lui, tout ça, c'est pas, il a mal, c'est hors de catégorie. Voilà. Proust est l'écriture pure, l'écriture de l'écriture, l'écriture de rien, hein, si vous voulez, le work en progress sans tome, ni objet spécifique, concentre en fait le paradoxe de l'autoposition idéaliste du sujet, dans la mesure où, sans aucune psychologie, c'est la même mise en boucle qui opère, puisque l'écriture devient l'objet de l'écriture. Alors évidemment, il y a les contemporains mineurs comme Barthes de Lacan, des gens comme ça qui en ont fait une entité structurale essentielle, mais les vrais penseurs très profonds comme Blanchot ne l'ont pas pensé comme simplement un fait structural qui caractérisait toute la littérature. Ils l'ont pensé comme un fait historique, dont ils étaient eux-mêmes les observateurs, les témoins et les agents. Et j'ai mentionné Derrida tout à l'heure. Bon, un des trucs qui me frappe le plus, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais le premier projet de thèse de Derrida, c'était un projet de phénoménologie sur l'ontologie de la littérature. Et c'est l'échec de cette thèse. Il n'est pas possible de faire une ontologie de la littérature parce que la littérature moderne va présenter ce phénomène de l'écrire intransitif. Où on écrit, où l'écriture est à elle-même son propre objet et est à la limite écriture de rien, et que donc ça ne peut pas se penser en termes d'une ontologie régionale dans la phénoménologie. On ne peut pas faire de cette chose-là quelque chose qui va rentrer dans l'ontologie, que toute la réflexion de Derrida va s'amorcer sur la question de la différence, la critique de la phénoménologie et l'amplification de plus en plus dramatique de la question de la différence comme étant une clé d'explication de la littérature moderniste, des réflexions sur Joyce, sur Blanchot, etc., sur Bataille, tout ça en quelque sorte, si vous voulez, prenant corps à partir de l'échec de la possibilité de faire une ontologie au sens phénoménologique de la littérature. J'avais dit tout à l'heure que c'est une question que quelques personnes viennent se poser sur les divans, et qui est une question qui embarrasse tout le monde. Les gens qui veulent écrire. Bon. Si j'avais pu apporter quelque chose ce soir, ce serait ceci. C'est de dire qu'il faut bien apprécier là-dedans que quelqu'un qui demande dans une analyse à écrire, ça ne sert à rien de lui dire que, vous savez, la psychanalyse, ça fait pas des écrivains. Ça peut accompagner des écrivains, etc. Bon, ça ne sert à rien, les gens, ils restent quand même ceux qui ont décidé. C'est d'apercevoir le nœud dans lequel ils sont pris avec cette demande-là est un nœud qui va bien plus loin que toute espèce de rapport subjectif qu'ils pourraient avoir à la lettre ou à tout ce dans quoi on serait tenté de repsychologiser le problème. C'est qu'écrire pour écrire, l'écrire intransitif, c'est un des lieux d'autopposition hérités du roman de formation, et donc de la constitution radicale de l'individu, qui nous vient du romantisme, qui a ravagé les vies de Pessoa, de Kafka, etc. Hein, la question de la contrainte, l'insupportable contrainte de l'écriture, hein, et qui ne peut pas se dénouer sans, d'une certaine manière, quelque chose qui n'est pas psychologique, qui n'est pas d'ordre psychologique, qui implique une critique de la culture. Critique de la culture qui implique aussi la position du psychanalyste dans cette culture-là. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'un psychanalyste n'est pas, et je pense en particulier au psychanalyste lacanien, n'est pas, par beaucoup des rouages qui sont fonctionnels et qui lui permettent de travailler, pris lui-même dans quelque chose qui est aveuglant par rapport à cette contrainte de l'écriture, cette question de l'écriture. La deuxième conséquence que je voudrais soulever, mais je reviendrai dessus, c'est que le roman de formation est en train de devenir un roman de gare. Il est en train de devenir un roman de gare parce que l'autonomisation comme ça de l'adolescence, etc., c'est quelque chose qui a perdu sa capacité à produire des exceptions. Notamment parce que tout le monde veut être créatif, mais que personne n'est prêt à payer le prix pour être un artiste. Ça, c'est terminé, c'est beaucoup trop cher, artiste. Mais créatif, ça, on veut tous être créatif. Et donc ça s'est évanoui, parce qu'il n'y a pas le support. Mais que peut-être ça choquerait, je pense, Sébastien Smirou s'il était là, mais une des choses qui me frappe le plus, c'est que quel que soit son caractère inaudible, minuscule et résiduel, il me semble par exemple que la poésie, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai une autre fois, la poésie pourrait bien être au contraire une forme certaines formes de poésie contemporaine, en tout cas, qui sont beaucoup plus susceptibles de porter les transformations décisives de la constitution des individus que le roman de formation. Voilà, je laisse ça un peu en suspens, mais je crois que c'est beaucoup plus chez certains rares et très grands poètes contemporains qu'on trouve les formules qu'on aurait cherchées chez Flaubert ou chez Goethe. Ce n'est pas, et ce n'est plus, et je crois que ça ne l'est plus probablement depuis les années 50, on va dire. Je crois que le dernier roman qui ressemble à un roman de formation, je l'adore en plus, on va dire que j'ai mauvais goût, c'est le Quatuor d'Alexandrie, qui effectivement a cette dimension de récit préparé, qui se termine par le moment où le récit va commencer, comme l'histoire de la formation de l'esprit du héros principal. Mais enfin bon, ça se termine avec Laurence Dorel. Et que c'est pas le roman existentialiste ou des choses comme ça. Il me semble que ça a quelque chose qui a trait à la poésie. Bon, j'ai vachement parlé. Je suis pas sûr que le lien vous apparaisse beaucoup avec qu'est-ce qui est psychothérapeutique. Mais... si vous pensez à ce que je racontais du Bildungsroman et de la question de la transformation des personnages et de l'invention de ces questions de l'écriture, etc., peut-être que ça vous paraîtra plus clair. Voilà. Donc regardez Proust, Philosophie du roman. Je reviendrai, comme c'est en mai que je dois faire cet exposé, je l'aurais probablement préparé pour ça va être le 18, je ne sais pas quel est le... En mai, je ne me rappelle pas ce que je trouve. Troisième jeudi de mai, c'est le 16. Donc, je vous donne rendez-vous le 16 mai. Et là, j'aurais écrit, j'aurais préparé cet exposé sur Descombes. Mais ça vous, si vous lisez les textes de Descombes sur la psychanalyse, et puis celui-là, ça vous amuse. Ça, par exemple, si vous avez des amis écrivains. Pardon, si. Si vous avez des amis écrivains. Oui. Bon, faites-leur ce cadeau empoisonné. Parce que, d'une certaine manière, il n'y a rien qui puisse autant défriser les lieux communs. Et je dirais même jouer un rôle de soulagement par rapport à l'angoisse dans laquelle ça plonge les jeunes écrivains. La question d'écrire utilisée de manière intransitive. La grammaire même de mon écriture, je voudrais écrire, j'arrive pas à écrire. As-tu envie, t'arrives pas à écrire quoi les parents qui ont du bon sens, tu veux écrire quoi? Là, il y a, je crois, un moyen de cerner, vous voyez, le point où ils ne se rendent pas compte exactement d'où ça les torture et pourquoi ils ne vont pas s'en sortir de cet écrire intransitif. Merci.